nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1962, François Truffaut envoyait une lettre à Alfred Hitchcock. Cher monsieur Hitchcock, au cours de mes discussions avec des journalistes étrangers et surtout à New York, je me suis rendu compte que l'on se fait souvent une idée un peu superficielle de votre travail. D'autre part, la propagande que nous avons faite au Cahier du cinéma était excellente pour la France, mais inadéquate pour l'Amérique, car trop intellectuelle. Depuis que je fais de la mise en scène, mon admiration pour vous n'a point faibli, au contraire, elle s'est accrue et modifiée. J'ai vu 5 à 6 fois chacun de vos films, et je les regarde à présent davantage sous l'angle de la fabrication. Beaucoup de cinéastes ont l'amour du cinéma, mais vous, vous avez l'amour de la pellicule, et c'est de cela que je voudrais parler avec vous. Enregistré sur magnétophone avec Helen Scott à la traduction, l'entretien Hitchcock-Truffaut eut lieu cette année 62, après l'achèvement des Oiseaux. Cela donna un livre fameux, réalisé à partir de 52 bobines de 30 minutes. En 1999, Serge Toubiana et Nicolas Saada proposaient d'en faire entendre sur France Culture 25 dans leur intégralité. Dans la 16e, il est question des Amants du Capricorne, un film sous-estimé par beaucoup et par Hitchcock lui-même. Hitchcock et Truffaut concluent aujourd'hui l'admirable discussion sur Rope, riche en remarques techniques, avant d'aborder Les Amants du Capricorne, tourné en 1949. Ce film à costume interprété par Ingrid Bergman et Joseph Cotten divise encore aujourd'hui les admirateurs d'Hitchcock. Certains y voient un horrible ratage, d'autres un superbe mélodrame sur la complexité des sentiments. Mais c'est Hitchcock lui-même qui porte sur le film le jugement le plus sévère, malgré les efforts plutôt vains de Truffaut pour le défendre. S'il est un artiste, Hitchcock n'en reste pas moins un homme d'affaires, et l'échec commercial cuisant de Hunter Capricorn lui semble une raison suffisante pour ne pas aimer ce film, pourtant bien supérieur à sa réputation. Ce qui serait intéressant de savoir pour ce film, Bobine, je sais pas de spectre. C'est le nombre de prises qu'il y a eu par bobine. Was the number of shots taken per reel. C'est-à-dire le nombre de prises interrompues. That is the number of shots that were interrupted. Et le nombre de prises complètes. And the total number of shots. Et surtout là où c'était tragique. And particularly there where it was tragic. C'est quand la prise ratée vers la 9e minute. When the shot failed towards the last minute, towards the 9th minute. It 10 days rehearsal. 10 jours de répétition. With a camera. Avec la caméra. Vous avec un viseur, non? You with a visor? Vous c'était fait avant ça. Or was that done beforehand? No, I rehearsed it with them, yes. Oui, oui, oui, j'ai répété avec. Oui. No, I did it with them. Oui, j'ai fait ça avec eux. Then, while they were lighting each shot, et pendant qu'ils éclaircissaient chaque I rehearsed on another stage. Je faisais répétition sur un autre plateau. In a chalk layout, you see. Dans un truc qu'elle a fait, marqué à la craie. Ten days rehearsal. 10 jours de répétition. 18 days shooting. 18 jours de tournage. Ah, c'est bien. 9 days retakes. 9 jours de reprise. Ah oui, de 5 bobines alors. Pour les, of, pour for les 5 reels. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yes. 18 jours de tournage, ça veut dire que 18 days of shooting, that means that vous avez eu 7 jours. You had 7 days où le travail de la journée a été inutile. Where the work, the day's work was useless, was wasted. Well, oh yes. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir deux bonnes bobines de la journée? Did it ever happen to you to have two good reels in the same day? Can't remember. Je ne m'en rappelle plus. Probablement pas. Probably not. Probably not. Probablement pas. Ça devait être intéressant quand même. It must have been very interesting. It was. Mais je ne crois pas comme vous que ce soit une expérience but stupide. But I don't think that, as you do, that it was a useless experience or a waste of experience. Je crois que ça constitue foolish. Une étape dans une carrière. I think it constitutes a phase in a career. Que tout bon metteur en scène passe par cette étape. And that every good director has to go through this phase. De vouloir tout lier les choses. To want to connect, relate everything. Yes, but you know what is interesting? Oui, mais ce qui est intéressant. They've never attempted this in live television. C'est qu'ils n'ont même pas cherché à faire ça dans la télévision vive. Not with one camera. They've done it with three cameras. Ils l'ont fait avec trois caméras. And that's nothing. That's like old talkies. Ça c'est rien. C'est comme les vieux. C'est comme les vieux films sonores. Mais évidemment, je crois quand même que plus on réfléchit au cinéma, the more you think of cinema, plus on a tendance à revenir au découpage. The more you tend to come back to the découpage normal. To découpage, je voulais dire scénario ou découpage. Non, découpage. Montage. Editing. Editing. Je crois, c'est votre avis. Is that your opinion? Yes, where I made a mistake. Oui, là où j'ai fait mon erreur. I tried to carry the same technique over in Under Capricorn. J'ai tâché de reporter cette même technique à Under Capricorn. Oui, d'une façon yes, plus alternative. In a more alternative manner. Though. Yes, yes. Mm-hmm. Avant de terminer avec la corde, quand même. Before concluding with the rope, just the same. Oui, c'est quand même certainement le film où vous avez cherché le plus loin dans le réalisme. This is a picture in which you went furthest into realism. Yeah. Parce que la bande sonore est hallucinante aussi. Because the soundtrack is absolutely hallucinating. Sure. De réalité. In its realism. Et elle comporte beaucoup d'éléments qui ont été évidemment ajoutés. And there are many elements which obviously après were coup. Added afterwards. Must tell you an interesting sidelight. Il faut que je vous dise une anecdote intéressante. I had a piece of music. J'avais Farley Granger une musique played. De Farley Granger qui est Farley Granger. It was oui. By Poulenc. C'était par Poulenc. Oui, le mouvement Poulenc. It was a perpetuum mobile, is it? Mouvement perpétuel, oui. Oui. Mouvement perpétuel, oui. Yes, sure. Farley Granger had dialogue to say while playing. Il avait un dialogue à parler pendant qu'il le jouait. And his fingers never hit the right notes. Et ses notes n'ont jamais frappé les bonnes notes. Il jouait. But the fingers were all over the place. You mais know. Ses doigts étaient un peu partout. Near enough, near enough. Assez not, près, not, mais not impossible. Mais pas impossible, mais pas correct. The music department, the man in the music le department, de musique, a man called Vic Aller, R-L-L-E-R, looked at the film, a regardé le film, a étudié le film, looked at the fingers, a étudié les and doigts, rewrote the music, et note a réécrit la musique note pour note, ah. Afin d'ajuster au doigté. So that when they played the piece, it fitted exactly. Et quand ils ont joué le morceau, c'est ça. The dubbing people, when they played the music, doublages. Not Farley Granger. Pas Farley Granger. They had the exact music that fitted the, where the fingers went. Mm-hmm. Correct. C'est la. Oui, et une chose très très belle aussi, c'est le son à la fin du film. And a very beautiful thing too is the sound at the end of the picture. Quand on ouvre la fenêtre. When one opens the window. Yes, the voices of the people. Les voix des gens. Sirène. Oui, sirène. Now, let me tell you about that. Donc je vous raconte ce soir. No, I'm just looking. They said, you want a siren, police siren coming? Une sirène de police, par exemple? Oh, we have one in the library. Alors nous avons une à la bibliothèque. I said, but how are you going to get the distance? Et well, comment, we'll make it. À distance? We'll make it soft and we'll et bring it up loud. Puis après on la fait I said, I don't sorte. Want that. J'ai dit, je ne veux pas de ça. I don't want that. Pas de ça. I made them get an ambulance. J'ai été leur faire chercher une with a siren. Avec une sirène. I put a microphone at the studio gate. J'ai mis un microphone à la grille du studio. And sent the siren, sent the ambulance 2 miles away. Et j'ai envoyé l'ambulance à 2 miles de distance. Ouais. And photographed it that way. Et j'ai photographié comme ça. Et c'est comme ça qu'on a fait le son. Ouais. For the people's voices, I went on pour the back lot. Gens, je suis allé I sur made le them plateau put derrière. The microphone. Je leur ai fait mettre le microphone. 6 stories high. À 6 étages d'hauteur. I gathered the people below. J'ai rassemblé les gens on the sidewalk. Sur les trottoirs. I wouldn't let them fake anything. Je n'ai pas permis aucun trucage. Et le son du revolver aussi. And the sound of the revolver as yes, well. Same. Ouais. C'est vraiment même l'air qui rentre dans la pièce. C'est even fantastique. The air that comes into the room, and it was fantastic. Yeah. C'est merveilleux. It's really marvelous. Et la troupe d'acteurs était très très bien. And the casting was excellent. Yes, yes, they were very good. Et c'est à l'occasion de ce film que vous êtes venu au fond pour la première fois présenter un film à Paris. And it's on the occasion of this picture that you came for the first time to introduce the picture in Paris. Yes, that's right. Vous avez fait une présentation. Il y a eu beaucoup de malentendus. There were many misunderstandings around that. À l'époque, l'homme qui est le directeur de Match maintenant. The man who's now the director of Match magazine, Match. Qui m'a demandé de faire un article sur and notre rencontre. And who asked me to do an article on our meeting. Uh-huh. Il m'a rappelé qu'à l'époque il était. He recalled to me that at that time he was. Un petit journaliste de cinéma. A small film newspaper man. Il a fait une interview avec vous. And he did an interview with you. Très enthousiaste. Very enthusiastic. Et dans le journal, ils avaient reçu des lettres. And in the paper they had received letters. Des metteurs en scène français. Of French directors. Qui disaient comment au moment où le cinéma français va si mal. Au moment où le cinéma français est Why en crise. Why is it that at a time that the French cinema is in full crisis? Vous faites l'éloge de ce farfelu anglais. You're praising that English joker. C'était des metteurs en scène comme Delannoy. Directors like Jean Delannoy, who was his pet hate. Qui maintenant, quand ils font un film policier. Who nowadays, when they make a police picture. Et que ça ne marche pas. And when it doesn't work. Ils sortent en vitesse dans les journaux des pavés. They always insert the things in the newspapers. En disant même Alfred Hitchcock ne trouverait pas l'assassin de ce film. Even Alfred Hitchcock couldn't locate the murderer of this the killer in this picture. Les pavés, ça veut dire une annonce? Oui. Yeah, that's funny. Why is it that Renoir cannot tell a story? Pourquoi est-ce que Renoir n'arrive pas à raconter une histoire? Quand aujourd'hui ou autrefois? Now, today or before? I don't. I've always felt he's very vague. J'ai toujours trouvé très vague. Non, c'est parce que c'est un homme qui se prend d'amour pour les acteurs. No, it's because it's a man. He's a man who falls in love with the actors. Et pour les personnages. And for the characters. Et il change tout au fur et à mesure. And he changes everything as he works along. Même si l'histoire n'existe plus. Even if the story is destroyed by it, it doesn't matter to him. Je veux dire, il aura toujours la nostalgie. I mean to say, he'll always have the nostalgia for la Commedia dell'arte. The Commedia dell'arte. Et des films primitifs de Max Sennett et tout ça. And the initial pictures of Max Sennett and all that. C'est le contraire de vous. Je veux It's dire the contrary que of you. You see. La situation lui est complètement égale. The situation égale, is s'intéresse qu'au personnage. Less important to him. He's only interested in the characters. Well, I think that's fine if he can hold the attention. S'il a réussi à retenir votre attention. Il a eu des succès. Well, he's had hits. He's been successful. La Grande Illusion. Like the Grand Illusion. Yeah, that's a long time ago. Oui, mais il y a très longtemps de ça. The River. The River. Récemment, non. The River wasn't a success. La Rivière n'a pas été un succès. No, not here. Pas ici. Est-ce que la Rope a été une réussite pour vous financièrement? Was Rope a financial hit for you? Oui. Ça avait coûté quand même assez cher. It cost a lot of money to make, didn't it? It cost, I think, about a million something. Ça a coûté un million quelques. Est-ce que la critique a été bonne? We paid Stuart $300,000. Nous avons payé à Stuart $300,000. Was the la critique, vous me dites? Oui. Were the critics favorable? Yeah, I think so. Yes. Oui, je crois qu'ils l'ont été. Et ensuite, vous avez tourné Under Capricorn. Then you did Under Capricorn. Qui est un roman que vous aimiez, un roman anglais. Which is a novel which you loved. British novel. No, I think really, I don't think I would have made Under Capricorn. Non, je ne crois pas que j'aurais réellement fait. If it hadn't been for Ingrid Bergman. Si ce n'avait pas été pour Ingrid Bergman. Ah oui. At that time, Bergman was the biggest star. Bergman était la plus grande vedette en Amérique. And there was great competition for her. Et il y avait une grande concurrence pour avoir. And I think I made the mistake. Et je crois que j'ai fait l'erreur. Of thinking. De penser. That securing Bergman over que d'obtenir all other people. Bergman sur par-dessus tous les concurrents. And other studios. Et les autres studios. Was the most important thing. Était la chose la plus importante. It was a thing within the trade. C'était une chose dans l'industrie. And this was the great prize. Et ceci était le grand prix. Ouais. And I think that was bad thinking. Je crois que c'était ma logique était fautive. Almost juvenile. Presque juvénile. Because. Parce que. It wasn't that I felt. C'est pas que je sentais que. Even that having Bergman might make a lot of money and might be very commercial. Même ayant Bergman pourrait faire beaucoup d'argent et pourrait être très commercial. Because. Parce que. The picture was going to be expensive anyway. Le film allait être coûteux de toute façon. And if I felt we were doing it for purely commercial reasons. Et si je sentais que nous le faisions pour des raisons purement commerciales. I might have examined the thing more closely. J'aurais pu examiner la chose de plus près. And would not have spent $2.5 million on a picture. Sur un film. At that time, which was a lot of money. Parce que c'était beaucoup d'argent. The big problem with Under Capricorn at that que le grand problème avec Under Capricorn was that it wasn't a suspense or a thriller picture. Était que ce n'était ni suspense ni thriller. And I explained that the Hollywood Reporter review said et par exemple, la revue we had to wait 105 minutes for the first thrill in this picture. A dit il nous a fallu attendre 105 minutes pour le premier frisson de ce film. But the there were many, many errors made. The first, as I say, beaucoup d'erreurs de fait. La première a été. The first error was the approach to the fact that I got Bergman in a picture. L'approche au fait que j'ai obtenu Bergman pour mon film. A feather in my cap. Une plume dans mon chapeau. We were making it with our own company. Nous le faisions avec notre propre compagnie. And I was filled with the aura et j'étais tout of plein the externals of making de l'aura, a picture. De tout ce qui était extérieur au film. Instead of the internals. Au lieu de ce qui était intérieur. That I felt that arriving in London at London Airport. Il me semblait qu'arriver, l'arrivée à Londres à l'aéroport de Londres. With Bergman. Avec Bergman. Here am I, Hitchcock, the one-time English director. Voici moi, Hitchcock, returning to London. Autrefois ancien directeur britannique. The biggest star of the day. À Londres, avec la plus grande vedette du jour de l'époque. With the flashlights of the cameras. Avec toutes les caméras braquées sur nous. This seemed at the time to ceci be me semblait au moment même very important. Être très important. And this is where I was juvenile. Et là, c'est là où j'ai été juvénile. And stupid. Et idiot. The next error. L'erreur qui a suivi. Is that I took Hume Cronin. Et que j'ai pris Hume Cronin. My friend. Mon ami. Because he was an articulate man. Parce que c'était un homme articulé. And brought him in to et je help l'ai me write the script. À m'aider à écrire le script. And he was literally an amateur. Et il a été littéralement un amateur. C'était littéralement un amateur. Then the next error was ensuite, using again James Bridie, the playwright. La prochaine erreur était de me servir de James Bridie, le d'écrivain de pièces, who was a part intellectual, qui était semi-intellectuel, and not a thorough craftsman, et pas un artisan fondamental, réellement expert. I didn't realize it at the time, but he was a man who always had very good first and second acts, but never finished his plays. Et second acte, mais qui réellement ne complétait jamais ses pièces. I can remember discussing the script with je me rappelle him que je discutais le scénario avec lui. The husband and wife avec le mari et la femme. Apart. Le mari et la femme sont divisés, ils ont eu des disputes terribles. And when I said et quand je dis to Bridie, how are we going to bring them together? Comment est-ce qu'on va les réunir de nouveau? He said, "Oh, let them just apologize to each other and say I'm sorry, I'm mistaken." Et puis je me suis trompé. C'est vrai que la dernière bobine est faible. It's true that the last reel is weak. Sure. This is Bridie, the writer, to me. Ça, c'est Bridie qui l'écrivait à moi. So you can see, I've tried to give you, you know, a clear picture of how I was thinking at the time, de la façon dont je pensais à ce moment. And how wrong it was. Et comme, comme j'ai eu tort. There is no question. Il n'y a aucune question. That if creatively. Que si créativement. You get into an area of doubt. Or vagueness. Vous pénétrez le domaine de doute et de vague. Go for the tried and true. Allez pour ce qui a été éprouvé et le vrai. Whether it be the writer, the subject matter, que ce soit l'écrivain, or whatever sujet, it is. Ou quoi que ce soit. He wants another definition of the tried and true. Ce qui a été éprouvé déjà. The well-established. Oui, ce qui est bien établi. In other words, when you, as a creator, c'est-à-dire que vous, en tant que créature, lorsque vous êtes en tant que créature, feel that you are at a loss for a moment. Sentez que vous êtes perdu pour un moment, vous êtes déconcerté. Run for cover. Courez vous protéger. Oui. Oui, mais il y avait beaucoup d'éléments dans Under Capricorne qui avaient fait leur preuve. Yes, but there were many elements in Under Capricorne that had been tested. Dans Notorious, dans Rebecca. In Notorious and Rebecca. Yes, oui. But you see, those elements would have remained if, for example, I'd have had a good professional like Ben Hecht writing the script with me. Un bon professionnel comme Ben Hecht qui écrivait le scénario pour moi. C'est vrai, le dialogue, par exemple, n'est pas assez économique dans le film. It's not economical enough in the picture. Il est très beau, mais il y en a it's trop. It's very good, but there's too much of it. Sure. Ouais. Mais c'est un beau film, quand même. But it's a beautiful picture, just the same. I wished, I would like to have it to have been a success. J'aurais voulu que ce soit un succès. Even to have overcome. Même à surmonter. The or even to have supported. Même pour avoir the enthusiasms I had for doing the picture with Bergman. Le film avec Bergman, si seulement pour cette raison. It was a shame. Ça a été une honte. After all this enthusiasm of the making of this picture with en faisant ce film avec elle. Ended as nothing. C'est terminé, abouti en rien. And I was also ashamed. Et j'ai vraiment eu honte aussi. That in the setup, I had taken a big salary, and so had she. Et elle également. Dans cette organisation. I maybe should have taken no salary. Peut-être que je n'aurais pas dû prendre de salaire du tout. But I didn't think it was fair. Mais je ne pense pas que ce soit juste qu'elle prenne un grand salaire. And I do everything for nothing. Et que je fasse tout pour rien. Oui, bien sûr. Et le film a beaucoup perdu. Did the picture lose a lot of money? Yes, it lost a lot of money. Oui, ça a perdu beaucoup d'argent. Vous croyez qu'ils essaieront de le... Do you think they tried to... Ben, il vous appartient maintenant. But it belongs to you, doesn't it? No, the bank took it back. Non, la banque l'a repris. Ah oui, c'est ça. Ils n'essaieront pas de le ressortir. In other words, it will never be reissued again? Yes, probably on television. Si, ce sera ressorti sur la télévision. C'est ça. Mais enfin, probablement, il ne fera jamais beaucoup d'argent. Oui. Well, yes, probably, but it will never make much money. Mais il doit s'en falloir de peu. But I think it's very close to. Ça vient peut-être de good. L'Australie. It's perhaps because of Australia. Et de l'époque. And the period. Parce qu'il est finalement assez morbide. Because finally, it's rather morbid. Même les couleurs sont even un the peu colors are somewhat comme le vin. Like the wine. C'est un peu cauchemardesque. It's a little bit nightmarish. Pale. Pâle. Comme un cauchemar. Like a nightmare. Enfin, ça m'ennuierait d'abandonner Under Capricorn. Well, it would bother me to leave Under Capricorn. Sans mentionner les points forts. The strong points. Yeah. Je crois, par exemple, le personnage de Millie. I think, for instance, the character of Millie est vraiment très beau. It's really very beautiful. I thought But the English critics said it was terrible to take a lovely actress like Margaret Leighton and make her into an unsympathetic character. Un caractère qui était antipathique. Ah non, c'est très bien. Et ses rapports avec Cotten, son amour. And her relationship, her love for Cotten, were very good. C'est la même idée que Madame Danvers. It's the same idea as Madame Danvers. Yes. Mais très très améliorée. But very much improved. Et toute l'évolution des caractères dans le film est and très, all très the evolution, belle. All the development of the characterizations in the pictures is very beautiful. C'est un film très romanesque. It's a very romantic picture. Yes. Qui renvoie vraiment à la littérature. Which really recalls literature has. On a le sentiment que c'est une histoire que vous avez beaucoup aimée. One has the feeling that it's based on a story that you loved. Yes, I like the story. Yeah. Est-ce que vous pensez qu'il vous est arrivé? Do you think that it's happened to you to? D'échouer plusieurs fois. To fail a number of times. Sur le plan financier. On the financial scale level, on the financial level. En aimant trop un scénario. Because you like the scenario, to a script too much. Je pense aussi à un autre film comme Vertigo, par exemple. Like Vertigo, for instance. On a l'impression que le point de vue par rapport au public. The viewpoint from the relationship to the public. A été oublié de temps en temps. Was occasionally ignored. Et que vous étiez pris par and that you were absorbed by the story itself. Well, Vertigo will break even financially. Well, Vertigo, vous savez, arrivera à faire ses. It wasn't a failure. Ça n'a pas été un four. It wasn't a big success. Ça n'a pas été un grand succès, mais. Ouais. But. I think the leading man was a problem in Vertigo. La vedette principale mal était un problème dans Vertigo. Ah, yeah. Trop vieux. Oui, mais il me semblait aussi, comme dans Under Capricorn. Yes, but I feel also that, like in Under Capricorn. Que c'était un film assez sentimental. It was a very sentimental picture. Où le film se fait plus pour vous que pour les gens. Where the picture is being made almost more for your own pleasure than for the people. Où vous tenez à vous étaler. Where you want to sort of develop yourself, express yourself. I wouldn't say that about Under Capricorn. Non, je ne dirais pas ça d'Under Capricorn. I couldn't say that. Je ne pourrais pas le dire. As I say, Under Capricorn was made for Bergman. Je l'ai dit, ça a été fait pour Bergman. I was looking for a story for a woman. Je cherchais une histoire pour une femme. Oui. If I'd have been thinking carefully enough, I would never have tackled a costume picture. Je n'aurais jamais pris un film à costume. Ah oui, oui. Depuis, vous n'en avez plus fait pratiquement. And since that time, you've never done it again. No. Oui. Et vous avez eu plusieurs long shots dans le film. And you had a number of long shots in the picture. Mais jamais d'une bobine, quand même. But never on the same reel, just the same. No. 6 minutes, 7 minutes. 6 or 7 minutes. Yes, yes. C'est ça, oui. Mais avec la difficulté supplémentaire de monter un étage. Yes, le même. That's when Bergman got angry with me. C'est à ce moment-là que Bergman s'est fâché contre moi. Ah, oui. Because of the long à shots. À cause des long shots. Ah, oui. Thank you. Vous venez d'entendre le 16e des entretiens avec Alfred Hitchcock par François Truffaut, diffusé la première fois le 25 octobre 1999. Vous pouvez le réécouter durant 1000 jours et le télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.